laisse entrevoir le jour, et puis tu t'en vas. Tu me laisses entrevoir l'amour, et tu es avec. Pensez-moi d'amour qui n'est plus à l'heure, sans cri, sans appel au secours, sans même qu'on ne sache pourquoi. Dispensez-moi d'amour, dispensez-moi tout court. Dispensez-moi d'amour, dispensez-moi tout court. Dispensez-moi d'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court. Dispensez-moi d'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi si c'est pour aussi peu de bonheur. Dispensez-moi d'amour, dispensez-moi tout court. Dispensez-moi d'amour, dispensez-moi tout court.